Galactic Music. Ok. Laisse faire pitié avec tes montagnes des sunshine. Si t'es en manque de phase, ben je te permets de pomper mes punchlines. J'ai plus de phase et de flow que les fonds. On fait les bails sans la maille, on a la dalle. Certifié sur le champ de bataille. J'ai RDV avec ta go pour qu'elle me suce la bite. Un conseil pratique, m'invite pas en fit l'ami. J'ai plus de bruit que le chétan sur une grosse bécane. Ou un fusil à pompe tenu dans la main d'un jeune P4. Ou plus de dégâts que le plastique ou le C4. Arrête ton spectacle, tu pompes la rime tout comme au playback. Tranquille, on fait le boulot, va faire en coup. J'ai plus de talent et de flow que ta vie écrite polo. J'ai pris du recul pour mieux voir comment tu tapines. Tu veux un scoop qui fascine, viens me voir dans la cabine. Dans mon ghetto on est tricard pour tous les délits. Viens je t'explique le délire, 91 violents à la belle. Le terrain est dangereux, rafale sur les phalanges des rageux. Tu connais le blazeux, les faux collés au sol comme un taser. Les fils de pute dans le viseur, M Saga killer. Appelle-moi Hustler, de la rime quand je suis en mode kicker. De la technique, j'la chiffre flow sur mesure. J'suis pas une gamine qui flippe grave devant une peinture. 9-1, oui on a la rime mauvaise. A chaque phase les tiens réalisent qu'il faut qu'ils progressent. Snap bois pas, j'suis pas un nouveau. J'régularise rap sale pour tout leur ghetto. Les galactiques, j'crois que c'est rigolo, faut saisir que nous c'est la tour Eiffel, eux les tours du World Trade. Oui petit, ton rap est fragile, t'es même pas dans les temps et tu veux lâcher au livre. Quand la famille m'appelle, j'déboule direct pour tous mes frères. J'lésigne pas, j'lâche des grossesses, moi. Les groupies chaque toujours, les pédales chaque toujours. Pépère, j'reste froid, chèque, arrivera ton tour. Vite, vite, j'fais le taf et je m'éclipse, elle laisse les parler. C'est leur jalousie qui s'exprime. Un sans la peine, on lâchera pas le steak. Viens dans nos backstage. Ton heure de gloire, c'est quand la bac te passe les bracelets. Monte sur des coups sans appel vers le ciel. On monte aussi, merde le temps autopsie. Mais quand je donne l'heure, c'est sur une montre suisse. On a un cœur, mais comme ton gun, là où je vis, faut le cacher. Les galactiques, mon pote, tu l'entendras sur ton iPhone caché. S'il y a aucune crise, dis-toi qu'un gars sur deux qui brasse, micrave. Tu tombes la poisse comme un mec qui tombe amoureux à place picale. De jour, tout est dans l'apparence, pour ça que les coquilles mentent. On voit la berline s'éloigner, s'il y a de la coquille manque. T'as rien à perdre pour vendre de 30, tu prendras moins de 6 mois. Perds pas espoir dans une ville où la mairie joue à 26 voix. Tu veux être riche, échange tes barrettes contre une salle de classe. Faut que les bolos qui prennent leur copie pour un sac de frappe. Tout est écrit, tout dépend de comment le ciel emploie ses larves. Et ce qui c'est un miracle comme de trouver une vierge au bas de scénar. Les petits grandissent, remplissent les maisons d'arrêt. La plupart te disent que sans spliff tu deviens taré. La haine hypnotise, la rue brise. Abonnez les faits divers dans le journal, c'est notre rubrique. Putain, j'suis là à me faire des têtes avec ma taille-bou. Invite-moi, j'plie ta tête en un coup. Ouais, un coup, j'encule le rap. J'suis pas un bouffeur boule. J'allume un beau feu soir, c'est la fête du bougnoul. Et j'ai la bougna, casse des deux frères au heps qui calent des broudniaques. Fais les tours, dans les Porsche ou dans les feuca. Accélérant bolide, lève la roue de la bécane. Génération bécane. Les keufs t'appellent par ton prénom carrément. J'ai vu des mecs sympathiser, guerre, leur serrer la main. Plus le temps, y'a que pour l'argent que j'suis partant. Personne ne m'attend, à part Satan, la street j'suis en plein dedans.